Je ne sais pas si la technologie vous rend malheureux ou heureux. Moi, pour ma part, elle me rend plutôt heureuse. Et je pose la question à Raymond Poirier de l'Institut de technologie de l'information de société. Raymond, est-ce que la technologie te rend heureux ou malheureux? Ben, j'aurais tendance à dire heureux. Et d'ailleurs, statistiquement, c'est démontré, parenthèse absolument non reliée avec le sujet d'aujourd'hui, mais exemple, dans les cas de soutien, bon, si on a des maladies rares ou des choses comme ça, ben, c'est démontré que dans 66% des cas, de briser l'isolement peut donner un coup de pouce au traitement. Et donc, nécessairement, ben, dans certains cas, c'est plus facile d'aller voir dans la sphère urbaine des gens qui vivent la même situation que nous, mais dans d'autres cas, des maladies qui sont moins répandu, où on peut être le seul dans notre région à souffrir de cette maladie-là, mais dans ce cas-là, les technologies brisent l'isolement et sauvent des vies. C'est vrai, donc ça peut nous rendre heureux. Voilà. Mais comme tu l'as dit, c'est exactement pas de cela qu'on parlera aujourd'hui. T'es là pour nous parler d'un sujet qui touche principalement le web mobile. Exactement, mais il faut dire en fait, Tania, que la semaine dernière, l'équipe de l'Institut de technologie de l'information et société s'est rendue à Montréal, un événement qui s'appelle la boule de cristal. Donc c'est un gros événement dans le domaine des technologies de l'information, où on se pose des questions sur ce qui s'en vient et sur les bouleversements que certains éléments vont amener dans la sphère quotidienne, dans la sphère des affaires, dans la sphère gouvernementale. Et plusieurs éléments ont été explorés au cours de ces journées-là. On a parlé santé, on a parlé gestion, mais les réflexions qui m'ont particulièrement allumé sont liées à la révolution mobile et à la révolution collaborative auxquelles on est en train d'assister. Je me suis dit que ça pourrait intéresser également les auditeurs, auditrices de CKRL. Parce que c'est vrai que c'est carrément une révolution, on s'entend. Oh oui, ben en fait même, on peut faire un parallèle avec, par exemple, l'arrivée de l'imprimerie. Dans la mesure où, lorsque l'imprimerie est arrivée, ça a amené des changements sociaux, des changements de fond. On a eu accès à plus d'informations, plus de savoir, et ça a jeté les bases de la société moderne et de la démocratie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors, parallèlement, on sait aussi que Internet, et donc la société de l'information, a amené plusieurs changements. On peut penser d'un côté à des trucs comme WikiLeaks qui questionne un peu les principes de secret, oui. De secret d'État. On peut penser aussi même simplement dans la sphère toujours politique, bon, tous les éléments amenés par les réseaux sociaux au Moyen-Orient, donc l'Internet comme base de révolution et de changement de système, ou simplement au quotidien. Je veux dire, si toi, moi ou les gens qui nous écoutent vont chez le médecin, eh ben force est d'admettre que probablement qu'avant d'aller chez le docteur, on a été voir nos symptômes sur Internet, on arrive déjà avec une idée. Et dans un rapport, par exemple, comme celui de la santé, ben, subitement, la relation, c'est une relation d'échange. Donc, avec un patient qui est plus informé et qui est plus apte aussi à participer et à creuser son cas et sa situation. Donc, oui, c'est une révolution. Et en ce sens, on réalise à quel point les technologies ont changé tous les aspects de notre vie ou sont en train également d'en changer d'autres. Et à l'intérieur de ça, premier point qui est important de signaler, c'est l'espèce de relation de connectivité qu'on prend peut-être un peu pour acquis, mais je pense que ça vaut la peine de s'asseoir deux secondes et de réaliser, de voir par exemple Wikipédia, par exemple Linux aussi, c'est des démarches collaboratives qui ont mené à des petites révolutions. On a quand même créé ensemble quelques millions de gens la plus importante encyclopédie du savoir humain. Oui, elle a ses fautes, mais c'est quand même un progrès admirable, une réalisation admirable. Parallèlement, Linux, qui est un code ouvert, qui a été lancé un peu comme ça, et finalement, 80% des infrastructures web sont gérées via Linux présentement, donc qui démontre de plus en plus qu'il est peut-être même plus fiable que des codes sources privés. Donc, c'est extrêmement intéressant parce qu'à l'intérieur de ça, on voit l'émergence donc de communautés d'intérêts. Et ça, tout le monde envisage un peu le web de cette façon-là aussi. Si t'aimes le hockey, tu vas aller vers le web hockey. Éventuellement, tu vas peut-être t'impliquer dans des pools en ligne, etc. Donc, ça fait une communauté à travers un loisir, mais il y a des communautés d'intérêt côté travail aussi. Et ce qui fait qu'on peut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite aujourd'hui qu'on y allait il y a de ça seulement quelques années. Il y a un conférencier, Anthony Williams, qui est auteur d'un livre qui s'appelle Wikinomics et Macro Wikinomics, qui donnait l'exemple d'une entreprise qui s'appelle P&G, une entreprise qui œuvre dans le domaine d'innovation. Au début des années 2000, elle avait 9000 employés, 9000 employés qui travaillaient à développer des idées, des concepts. Et les recruteurs de cette entreprise-là avaient identifié que pour chacun de ces 9000 employés-là, il y en avait 200 disponibles qui étaient aussi compétents et aussi viable pour l'entreprise. Et eux, éventuellement, se sont dit, ben oui, mais comment, avec les 9000 qu'on a à l'interne, comment on peut profiter de la multiplication par 200 qui serait disponible à l'externe? Et pour finalement se rendre compte que, de plus en plus aujourd'hui, l'innovation, pour qu'elle soit profitable, elle doit être faite de la manière la plus collaborative possible. Donc, d'impliquer le plus de gens. D'impliquer le plus de gens possible, et que c'est plutôt dans la commercialisation des innovations que là, le modèle financier va être peut-être un peu plus intéressant. Donc, ce qui fait que de plus en plus, dans un contexte d'entreprise, et c'est ce qu'on nous dit à cette conférence-là, eh bien, il y a de moins en moins d'innovations qui sont développées simplement à l'interne, mais qui nécessitent le plus souvent une collaboration vers l'externe. Et en même temps, ça amène d'autres changements. Je veux dire, comme l'innovation se fait plus nécessairement à l'interne, eh bien, qu'en est-il de la question du droit d'auteur? Qu'en est-il de la propriété intellectuelle? Ça, là, c'est des questions qui je pense, causent beaucoup de maux de tête. Causent beaucoup de maux de tête, mais qui pourtant pourraient avoir des solutions simples si on l'envisage un peu dans la notion de code source. Donc, de dire, OK, on a une innovation, on la rend disponible à qui veut bien l'améliorer, la travailler. Nous, on va la commercialiser et on se réserve le droit, bien entendu, de continuer à commercialiser selon les innovations qui sont faites. Il y a Nike, une entreprise qu'on connaît bien, entreprise de chaussures, qui de son côté avait développé une forme écologique de caoutchouc. Enfin, une forme un peu plus verte que ce qu'on connaît actuellement. Et elle, dans un effort peut-être de relations publiques, si on veut être ironique, mais reste qu'elle a décidé de rendre cette technologie-là disponible à n'importe quelle entreprise sur Internet. Donc, elle l'a mis en ligne. Voici, on a fait des nouvelles chaussures. Voici comment vous pouvez, dans un procédé industriel et informatique, réaliser la même chose. Et elle a invité les autres entreprises qui font des avancées technologiques bénéfiques pour l'environnement à les diffuser sur une plateforme qui s'appelle Green Exchange. Donc, en disant, regardez, si on met de côté la notion de propriété intellectuelle, ben, probablement qu'on va pouvoir plus rapidement avoir des technologies plus vertes et donc, disons, rendre un peu plus viable à long terme la présence humaine sur Terre, ce qui est quand même intéressant. C'est un peu comme pour les vaccins, par exemple en Afrique, où on, ben, pas les vaccins, mais plutôt les médicaments, les antirétroviraux pour les médicaments contre le sida en Afrique. On a la propriété intellectuelle, ce qui nous empêche de les vendre à moindre coût, alors qu'on sait que les pays pauvres n'ont pas les moyens de traiter les gens avec de l'argent. Bon, bref, on comprend le principe. Et là, il y a la question du modèle d'affaires qui est à revoir, bien entendu, parce qu'il y a quand même des sous énormes et des ressources énormes qui sont investies dans la recherche. Alors, comment on peut rendre, justement, des entreprises de recherche monétairement correctes dans un contexte où il y aura peut-être un peu moins de compensation pour la propriété intellectuelle? Donc, il y a des questions intéressantes à se poser là-dessus. Et parallèlement, il y a aussi simplement la recherche pure et dure qui n'a plus nécessairement non plus à être cantonnée dans une sphère, dans une unité de recherche. Le conférencier Anthony Williams donnait l'exemple de Galaxy Zoo, qui est une initiative absolument intéressante. Il y a deux chercheurs qui avaient pris avec des satellites de type Hubble des photographies. En fait, c'est eux qui ont découvert que, disons, il n'y avait pas juste des dizaines de galaxies, il y en avait des milliards. Et éventuellement, ils se sont dit, ben, ça serait plaisant de travailler à gérer, analyser ces galaxies-là. Mais pour faire le travail d'analyse, il fallait qu'ils consacrent à peu près 7 années à simplement les répertorier. Donc, un travail qui est pas très palpitant. Non. Et qui vient un peu lourd à la longue. Hein. Alors, un peu, oui. Alors, il y a un des chercheurs qui a dit, bon, on va mettre ça sur le web, on va dire aux gens, ben, aidez-nous à trouver des galaxies, passez un peu de temps de votre côté, on va mettre un tutoriel pour vous montrer comment identifier les galaxies selon certaines catégories. Ils s'attendaient à avoir peut-être 200 personnes qui allaient être intéressées à faire cet exercice-là. Ils en ont eu 250 000. Et mon Dieu, mais ça a été très, très populaire. Mais je sais qu'on peut aussi donner son ordinateur pour qu'il fasse la recherche, justement. Alors, on se branche à quelque chose, et là, pendant, je sais pas, 3 heures, ton ordinateur sert à un centre qui font de la recherche, et ils utilisent ton ordinateur à la maison. Comme ça, on n'a pas besoin, eux, d'avoir une immense salle avec 48 millions d'ordinateurs. Alors, ça, c'est une révolution de collectivité, c'est une révolution de collaboration. Et dans un contexte où, en plus, Tania, on est en train de devenir de plus en plus connectés via le mobile, eh bien, imagine aussi les possibilités qui sont offertes, surtout dans le contexte où, si on regarde spécifiquement le mobile, ça a pris à peu près 16 ans pour que la téléphonie cellulaire soit utilisée en général. Par comparaison, 75 ans pour le téléphone fixe, 60 ans pour l'électricité, bon, 5 ans pour Facebook, ça donne un petit coup de pouce. Mais nécessairement, dans ce contexte-là, dans le contexte de connectivité, eux en sont un peu à se demander maintenant qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va développer avec le téléphone mobile. En 2013, il y a la moitié des Canadiens qui va avoir un téléphone intelligent de type iPhone ou dérivé. Il y a une croissance annuelle de 72% dans ce domaine-là. Alors, ça montre un peu l'importance de ça. Et en même temps, à l'intérieur de ce spectre de connectivité-là, le mobile versus le collaboratif, le mobile de son côté va apporter aussi une notion d'immédiat. Parce que comparativement à la connexion web, qui est plus latente, plus tranquille, le mobile, c'est l'immédiateté dans le travail, dans les réservations d'hôtels. En fait, si tu réserves un hôtel avec ton téléphone mobile, dans 70% des cas, ça va être pour le soir même, dans un radius de à peu près 25 kilomètres. Alors, ça donne le portrait un peu là-dessus. Et donc, ça veut dire qu'éventuellement, il faudra trouver une manière de connecter le mobile à nos réseaux d'entreprise, à nos réseaux personnels, pour que on puisse devenir véritablement un travailleur mobile, entre guillemets, pour qu'on puisse éventuellement profiter de ces avantages collaboratifs-là à tout moment dans notre démarche de travail. Et donc, pour justement, on parlait des dernières semaines de briser un peu l'esprit de bureau, l'esprit de l'entreprise qui est limité au mur. Eh bien, c'est vrai virtuellement, mais avec le mobile et avec la connectivité, probablement que ce sera vrai éventuellement physiquement aussi. Alors, quelques réflexions que je vous lance. On aura sûrement l'occasion de revenir là-dessus. En fait, je suis personnellement en train justement de classer, reclasser et compiler ce que j'ai reçu comme information dans les derniers jours. D'ailleurs, les auditeurs, auditrices de CKRL pourront surveiller le www.itis.ulaval.ca. Là-dessus, progressivement, cette semaine et la semaine prochaine, on va mettre quelques éléments en ligne justement en lien avec ces réflexions-là. Pour poursuivre de votre côté aussi, les regards sur ce domaine-là, sachant très bien que c'est probablement la prochaine grande révolution, donc celle de la collaboration et peut-être surtout celle du mobile. Raymond Poirier, merci pour la tienne, ta collaboration à cette émission. Et on se reparlera la semaine prochaine pour encore une fois sûrement une autre avancée technologique. On se rend compte que ça nous envahit de plus en plus. Oh oui. Il y en a partout. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça fait plaisir. À la semaine prochaine.